Je suis dans un café. Je bois mon 8e café. La cuillère est tordue. 3 minutes que je tourne. 6327 personnes, au moins, avant moi, ont eu cette cuillère entre les doigts. Une pin-up homme d'affaires, un plombier zingueur, un dentiste, un chômeur, une adolescente, rêvant de moi. On peut rêver. Un crétin dans sa talbot lit « Transdimanche ». Les talbots, je sais pas si tu te souviens, quand t'étais petit, si t'as été petit, il y avait les talbots bleus et les Ferrari rouges. On faisait des courses. Et c'est toujours les talbots qui gagnaient, elles étaient mieux équilibrées. Les Ferrari, à tous les coups, elles capotaient. Et clac, le chauffeur se retrouvait avec la tête coupée. Le crétin, il lit « Transdimanche » et les dernières prédictions de Nostradamus, enfin. Si ça l'amuse. Je fais des ronds de fumée. À côté, pas loin de moi, il y a des gens rentables qui parlent du vice de leur chef de bureau. Ils échafaudent des plans, des vacheries qu'ils aimeraient lui faire et qu'ils ne lui feront jamais. Les lâches, ils rigolent. Ils rigolent. Au comptoir, il y a 2 mecs des peuteuteux qui ont l'air bien branchés côté cul. Il pleut. Il y a quelqu'un qui a laissé ses essuie-glaces et il y a quelqu'un d'autre qui met couture sur le jukebox. Mais c'est moi qui suis tout décousu. C'est pas nouveau. J'allume ma clope côté filtre. Et puis y a le flipper. Il y a le flipper qui se met à flipper. Il fait... Mais tout le monde s'en fout. La pluie coule, tout le monde s'en fout. Les autos roulent, les amoureux coulent, se roulent des galoches. Ils s'en foutent. Arrête! Arrête, flipper, arrête! Tu me tords le cœur, arrête, je t'en prie, arrête! Mais merde, faut faire quelque chose! On peut pas le laisser. Allez, jouez! Jouez avec lui! Moi, j'ai déjà donné. Oh, le vla qui fait. Comme s'il allait crever. C'est un SOS! Appelez les pompiers, le vétérinaire, la grande échelle, mais faites quelque chose! On peut pas le laisser comme ça! Tout le monde s'en fout. Il y en a qui regardent quand il fait... Mais au fond, je te jure, ils en ont rien, mais vraiment rien à secouer. C'est pas leur problème. Chacun pour sa gueule. Ils bougent pas. Ça m'écœure. Je peux plus entendre ça. C'est too much pour moi. Too much. Je craque. Je paie. Je me sac. Je m'en vais.